Ici François Riouard au microphone de Futur Simple et nous allons maintenant faire un plongeon dans le fleuve Saint-Laurent pour voir comment les poissons du Québec pourraient être affectés par les changements climatiques. Et pour nous en parler, je reçois Marie-France Sottil. Bonjour Marie-France. Bonjour François. Alors Marie-France, quelles vont être les conséquences des changements climatiques sur les poissons du Québec? De manière générale, les eaux du fleuve, et pas que, là, les rivières, les lacs, deviennent de plus en plus chaudes. On sait que les poissons ont une température corporelle qui varie avec celle de leur milieu. Alors, toute modification de température de leur environnement a un impact direct sur leur métabolisme global, soit la vitesse de croissance, la saisonnalité de leur reproduction, le rythme des pontes, la fécondité, la sensibilité aux pathogènes, puis même celle aux substances toxiques. D'ailleurs, on a déjà commencé à observer certaines de ces conséquences. Par exemple, dans la baie du Tson, les salmonidés, source de nourriture importante pour les communautés autochtones de ce coin-là, ces saumons-là sont devenus plus sensibles à une maladie bactérienne, la furonculose, qui les rend non consommables. Donc, inévitablement, ça va avoir un impact sur ces communautés, là. Absolument. Mais avec les changements climatiques, est-ce que les poissons sont plus faibles qu'avant? Non seulement ils deviennent plus vulnérables, mais le réchauffement de l'eau peut rendre plus forts les ennemis, c'est-à-dire les parasites, les pathogènes. Puis de l'eau plus chaude peut aussi faire apparaître des nouveaux virus ou bactéries. Les poissons s'affaiblissent aussi par la diminution de la concentration d'oxygène dissous dans l'eau, c'est-à-dire quand la température monte, la solubilité des gaz diminue. Effectivement. N'est-ce pas, monsieur le chimiste? Oui. La perte d'oxygène ralentit la croissance des poissons et affecte leur reproduction. En plus, ça réduit le nombre d'habitats propices, ça change les trajets de migration, ça désynchronise les prédateurs par rapport à leur proie. Parlant de nourriture, les changements climatiques affectent pas seulement la température de l'eau, mais aussi la stratification de l'eau, c'est-à-dire le gradient. Ça change la quantité puis la distribution du zooplancton, ces petits organismes dont se nourrissent les poissons. Et par contre, en fait, l'augmentation de la température de l'eau va sûrement favoriser la croissance des plantes. Est-ce que les poissons herbivores vont être avantagés? Bien, tu as raison que les changements climatiques favorisent le phytoplancton, là, ces petites plantes microscopiques en suspension dans l'eau. Qui sont à base de la chaîne alimentaire. Absolument. Mais dans certaines régions où la quantité de bouffe pour cette plante-là, c'est-à-dire l'azote et le phosphore qui provient, par exemple, de l'agriculture ou des fosses septiques, bien, ça fait proliférer le phytoplancton. Puis ça peut mener à l'eutrophisation des plans d'eau. C'est-à-dire, les plantes poussent tellement qu'elles envahissent peu à peu, par exemple, le lac, jusqu'à le faire disparaître. Un peu comme c'est le cas du lac Saint-Augustin à Québec, là. Je suis pas allée de récemment, si tu le dis, mais effectivement, c'est... Il est en voie d'eutrophisation. Ben, habituellement, plus il y a des humains autour, moins le lac est en santé. Et est-ce qu'il y a des espèces de poissons qui profitent des changements climatiques? Ben, malheureusement, on ne tient pas beaucoup d'informations sur ce qu'on appelle l'élasticité métabolique et comportementale, c'est-à-dire la manière dont les poissons peuvent tolérer des écarts de température. Mais on sait que les poissons cherchent toujours à rester dans la fourchette thermique qui est avantageuse pour eux. Autrement dit, les espèces capables de se trouver facilement puis rapidement des refuges plus froids, un peu plus froids, pourront s'adapter au changement climatique. Mais ces refuges-là, quand ils sont disponibles, se situent au fond de l'eau ou plus au nord. Et il y a des désavantages dans ces deux cas-là. On a observé que la migration est commencée, d'ailleurs. On a calculé qu'entre 1968 et 2007, il y avait 72 % des espèces aux abords des côtes nord-américaines qui s'étaient déplacées. Donc, ce n'est pas d'hier, là? Non, c'est ça. Le changement climatique est observé partout. Et puis, on sait que d'ici une douzaine d'années, là, autour de 2030, il y a 10 % des espèces qui ne trouveront pas de refuge puis qui mourront. OK. En plus, celles qui réussissent à en trouver un, plus au nord dans ce cas-ci, entrent en compétition avec des espèces endémiques, c'est-à-dire des poissons déjà en place. En bout de ligne, il y a des variétés, donc les moins compétitives, qui disparaissent. Effectivement, parce qu'elles sont moins capables de s'adapter aux changements, comme dirait Cyril Barrette. Et l'autre menace qui est associée aux refuges qui sont au fond de l'eau, c'est que dans ces zones-là, il y a des gaz de décomposition. Puis ces gaz-là, autant pour les poissons que pour nous, ils sont toxiques. OK. On entend parler que les changements climatiques provoquent aussi de l'érosion côtière. Les poissons qui vivent près du littoral dans le Saint-Laurent, est-ce qu'ils sont touchés par ça? Absolument. Je dois rappeler que le réchauffement climatique gruge les berges de trois façons. Par la réduction du couvert de glace, mm-hmm. il se morcelle et puis il devient un peu comme des dents, si on veut, sur le littoral. Par la montée des eaux de la mer et par l'intensification des tempêtes, le brassage. Alors, tout ça perturbe les aires de distribution des poissons. Quand la glace diminue en surface et en épaisseur, comme on le constate déjà, la lumière pénètre davantage dans l'eau. Ça favorise le développement des plantes. Bon, dans le fleuve, on ne parle pas d'eutrophisation, mm-hmm. comme j'expliquais tout à l'heure, mais ça favorise l'implantation d'espèces exotiques envahissantes. Ces espèces-là déséquilibrent l'écosystème et compromettent la survie des poissons. Mm-hmm. La perte de glace joue aussi un rôle sur le brassage des eaux. Ça, c'est un phénomène qui agit sur l'apport de nourriture et la température. La réduction de la glace nuit, dans ce cas-là, surtout aux poissons d'eau froide. Et ils souffrent de ne pas trouver leur niche, en fin de compte, et puis ils disparaissent en nombre et en répartition, d'accord. en surface de répartition. Puis finalement, l'érosion des berges augmente la turbidité de l'eau, c'est-à-dire la clarté, puis augmente la sédimentation dans les frayères, c'est-à-dire des dépôts de sable. Ces problèmes qu'on observe dans le fleuve, mais aussi dans les rivières, sont dus finalement à l'augmentation des débits. C'est-à-dire que l'hiver, on a remarqué qu'on compte de plus en plus des redoux, puis des pluies. Ça provoque la fonte hâtive de la neige, puis ça augmente le débit des rivières, mais à des périodes où on ne le voyait pas avant. Alors, ça aussi, ça nuit aux poissons. Et est-ce qu'on peut aider les poissons à s'adapter au changement climatique? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On ne peut pas leur faire le bouche à bouche. C'est pas très agréable non plus. À court terme, je dirais qu'on peut aider les poissons en adaptant notre gestion des pêches. Okay. Donc, nous aussi, on est des prédateurs. Oui. On pourrait diminuer la prédation, en fin de compte. Mais pour le moment, il nous manque beaucoup de connaissances sur qu'est-ce qu'on devrait pêcher et où on devrait le pêcher. Mm-hmm. Il faudrait connaître l'influence du réchauffement climatique sur l'ensemble de la chaîne alimentaire des poissons, sur chacun de leurs stades de développement, sur leur interaction avec les autres espèces, sur l'évolution des espèces envahissantes. Il faudrait connaître la proportion des bouleversements qui revient au changement climatique par rapport à ceux qui sont causés par la pollution mm-hmm. des eaux, puis à la surpêche. Donc, il faudrait départager tout ça pour uh-huh. viser au bon endroit. On ne connaît pas non plus l'influence de la variabilité climatique par opposition au réchauffement moyen. Tu sais, la variabilité, ça peut jouer dans l'espace, c'est-à-dire localement, régionalement et continentalement, mais ça peut jouer aussi dans le temps, uh-huh. à l'échelle du jour, du mois ou de l'année. Donc, on connaît peu de choses là-dessus. Puis, en fait, on ne sait pas trop quelle est l'adaptation des écosystèmes au changement des courants océaniques. Ça aussi, ça peut jouer sur la répartition des poissons et sur leur écosystème en général. Et pour manger du poisson à l'avenir, mais il faudrait donc compter sur l'élevage, comme on le fait un peu pour la viande, quoi. Eh oui, ça veut dire qu'on en est rendu là. Ça veut dire qu'on va manger certaines sortes de poissons. Ouais. Hein, on peut pas cultivé. Il n'y aura pas autant de variétés probablement. Là. Alors, on prévoit le développement de l'aquaculture, surtout pour les salmonidés, comme l'omble de la fontaine, qu'on appelle aussi truite mouchetée ici, mm-hmm. la truite arc-en-ciel, puis l'omble chevalier, qui est surtout présente dans les régions nordiques. Mais même pour l'aquaculture, on dit qu'il va falloir de l'adaptation. parce que il va y avoir des variations de température. Donc, il faut choisir des souches, tu sais, à l'intérieur même d'une espèce. Il faudrait choisir les poissons qui sont les plus tolérants aux variations de température. La Norvège, d'ailleurs, applique déjà ce procédé dans la sélection du saumon dans l'élevage. Mm-hmm. En gros, là, si on résume, l'avenir n'est pas très joyeux pour les poissons et puis surtout pour la diversité aquatique. Ouais. Et est-ce que, comme on a encore un peu de temps, Marie-France, est-ce que tu pourrais nous parler des conséquences qui, en fait, spécifiques pour les salmonidés, en fait? Oui, c'est des espèces qu'on aime beaucoup. À l'omble de fontaine, par exemple, la truite mouchetée est très sensible à la température. Elle est sensible à l'oxygène dissous puis à la turbidité de l'eau. Elle n'est pas très compétitrice, donc pas efficace contre les autres espèces. Puis, on estime que sa distribution diminuerait de moitié à travers le Canada d'ici 2050. Okay. La truite arc-en-ciel, c'est une espèce exotique. C'est introduit. C'était pour la pêche sportive au début du 19e siècle. Elle est plus adaptée aux eaux chaudes et puis même elle est considérée comme envahissante. Dans le futur, elle pourrait même être en concurrence avec d'autres salmonidés, comme le saumon de l'Atlantique et l'omble de Fontaine, pour ses habitats et la nourriture. Donc, elle est moins vulnérable, celle-là. Puis, finalement, l'omble chevalier ou l'omble de l'Arctique, ça se retrouve déjà en élevage ou à l'état sauvage dans les régions nordiques. On dit qu'il est très vulnérable au changement climatique, c'est-à-dire que sa fourchette thermique est très, très restreinte. Très, très étroite. Oui, autant pour les œufs que pour les alevins, là, les jeunes. Et puis, on dit que les refuges thermiques pour cette espèce-là sont moins propices, moins fréquents, parce que les lacs sont moins profonds dans le nord. Ça joue aussi, effectivement, le fait que les lacs soient peu profonds, ça offre pas une grande variabilité thermique, cela. Exactement. Puis, on dit qu'il y a des espèces qui pourraient migrer vers le nord qui sont beaucoup plus envahissantes, c'est-à-dire compétitrices, et puis qui pourraient faire perdre 40% de l'aire de distribution de l'omble arctique à travers le Canada d'ici 2020, ça c'est demain, puis jusqu'à 65% d'ici 2050. Mm-hmm. Mais à la limite, est-ce que les humains pourraient pas non plus transplanter des poissons plus vers dans des lacs plus nordiques? Probablement qu'il faudrait étudier le milieu avant. Pour les transplanter dans le bon lac. Là, exactement. C'est ça? Puis le milieu, ben, ça concerne pas seulement la température ou la nourriture, mais c'est la stratification. Ouais. C'est un paquet d'affaires. Oui, l'acidité, c'est ça. Là, c'est compliqué. Là. Exactement. Ce qu'on pourrait faire, si tu me demandes une solution, ce serait de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Ça serait pas mal plus facile. Hein? Ben oui, j'y reviens à chaque chronique, là, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut taper sur le clou. Évidemment que plus on pollue, plus on se tire dans le pied. Pas seulement les poissons. Là. Merci beaucoup, Marie-France. Il n'y a pas de quoi.